Satisfait de cette entrevue avec Sylvia, le prince n'attend plus que de voir Arlequin céder aux avances de Flaminia. Or, un seigneur apporte à Arlequin des lettres du prince qui le font gentilhomme. Lettres qu'Arlequin finit par accepter. Le prince discute ensuite avec Arlequin pour la possession de Sylvia. Et Arlequin accepterait si Flaminia pouvait disposer d'elle-même. Tandis qu'Arlequin s'interroge sur le parti à prendre, arrive Flaminia, l'air triste.